Chapitre 19e, chez Gilda. Vous tombez à pic, chef. On vient d'avoir un coup de fil des gendarmes de Salon. On aperçut la déesse au bord de la départementale 572. Qu'est-ce que la D572? C'est la route qui va de Saint-Cana à Pélissane. C'est dans le même secteur que l'endroit où on a retrouvé Guelmard. Les gendarmes ont remarqué quelque chose? Tenez, le mieux que vous appeliez l'adjudant de gendarmerie, je vous fais le numéro. D'après l'adjudant, il y avait deux occupants dans la voiture. Elle a toujours le trou dans son pare-brise avant, et la balle a aussi traversé la vitre arrière. Nous ne savions pas que la balle était passée de part en part, dis-je, soulagé qu'on ne se pose plus de questions sur la munition utilisée. Vous n'avez pas pu la coincer? Non, nous n'avions pas de motard sous la main. Nous avons passé un appel, mais le salaud est passé à travers les mailles du filet. Une fois la ligne raccrochée, je fermai chaud. Apparemment, le lièvre court toujours. Il doit avoir le feu au cul. Vous croyez que c'est Vergnieux et San Lucas qui étaient dans la bagnole? Il y a de grandes chances, oui. L'après-midi, Serge et moi enquêtons un salon chez Gilda. La tenancière du bar est de l'autre côté de la rue, partie acheter du pain pour les sandwiches. Lorsqu'elle fait son apparition dans le bar, Michaud et moi sommes pratiquement pris de vertige. « Oui, vous désirez ?» nous dit-elle. Sa voix va également avec le personnage. Légèrement éraillée et traînante dans les graves. Cette fille dégage une telle sensualité, elle a tellement d'appât que c'en est indécent. Elle est belle, mais avec ce petit rien de vulgarité et d'abandon qui fait que les hommes pensent immédiatement que tout est possible avec elle. C'est sûr que dans son établissement, la devanture, c'est elle. Pour comble d'étalage, elle s'assoit sur un tabouret de bar, les coudes en arrière sur le comptoir, en laissant pendre sa crinière noire, dans une attitude à réveiller un monastère entier. Elle contemple ses magnifiques ongles en attendant qu'on se réveille de l'électrochoc. Je m'approche près d'elle et, sans rien dire, lui montre ma carte. « Ah, je me disais aussi, » fait-elle. « C'est pourquoi. Vous connaissez Vergnieux ?»« Si je connais Vergnieux, ça fait une paye que je le connais. Ce n'est pas compliqué, sa maison, c'est ici. »« Oui, je veux bien le croire, mais... »« Mais où est-ce qu'il habite ?»« À part ici. » Alors ça, vrai de vrai, j'en sais rien. Je me demande même s'il a un domicile, vu qu'il lui arrive de prendre une douche ici et que Mado, c'est ma femme de ménage, lui repasse quelquefois une chemise. Il m'a tapé du pognon plusieurs fois et pour ça, il va falloir qu'on s'explique un jour tous les deux. Mais vous savez de quoi il vit? De magouilles, du blé qu'il tape à droite et à gauche. Il était dans une bande, il faisait de la carambouille dans les quartiers nord de Marseille. La bande a été arrêtée, mais lui... il a réussi à passer au travers. Ça ne m'étonnait pas qu'il y en ait un qui lui fasse la peau, un de ces quatre. La bande à laquelle Gilda fait allusion, je la connais bien puisque c'est moi qui l'ai démantelée. Nul doute que Vergniaud et Guelmard ont rattrapé ma piste à cette occasion. Et San Lucas, ça vous dit quelque chose? Oh, lui, c'est une pauvre pomme. Il joue bien la guitare, par contre. Il s'est fait entuber bien bien par Vergniaud. Tiens, en voilà un autre qui pourra lui faire la peau. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu, Vergnieux? Une bonne quinzaine au moins. Mais je ne me fais pas de soucis. La mauvaise graine, ça meurt pas. Allez, vous buvez quelque chose? C'est moi qui régale. Deux cafés alors. Gilda descend de son tabouret d'un geste lascif. Les jambes et les hanches sont magnifiques. Pas étonnant que l'affaire marche bien. Elle passe derrière le comptoir où, obligée de se baisser légèrement, elle offre au regard un décolleté vertigineux encore plus prometteur. Ces derniers temps, Vergnieux traînait avec un mec bizarre, on aurait dit Quasimodo. Je ne sais pas ce qu'ils fricotaient tous les deux. L'autre n'ouvrait jamais la bouche. Et Guelmard, ah, ça, c'en est un autre de fusil. Mais lui, il est plus malin. Il était plus malin. Il a été refroidi, paix à son âme. C'est peut-être bien Vergnieux qui l'a buté, avec tout le pognon qu'il lui devait. Un pépé entre dans le rade, s'aidant d'une béquille. Salut, colonel, lui lance la patronne. L'homme, après avoir porté deux doigts son béret en guise de salutation, se dirige doucement vers une table du fond sur laquelle est étalé un tapis vert. Sans qu'il n'ait rien demandé, la patronne lui apporte un picon bière. L'arrivée de cet homme silencieux réveille chez moi une pensée de derrière les fagots, mais je n'arrive pas à l'identifier précisément. Un autre homme fait son entrée dans le bar. « Madame Gilda, bien le bonjour. »« Un 51, François ?»« Non, ce n'est pas mon heure. Donne-moi plutôt un Vichy fraise. » Le nouveau venu se dirige lui aussi vers la table du fond et s'assoit en face du grand-père. Pendant que je suis sur le pas de la porte à observer la rue, Michaud va s'asseoir à côté des deux hommes. Le François s'est saisi d'un jeu de cartes et il va avec application. « Vous connaissez un dénommé Vergneux ?» demande Michaud. « Qu'est-ce que ça peut vous foutre ?» lui répond aussi sec le François. « Vous êtes de la police ?»« Oui, justement. » « Alors, vous le connaissez ou non ?» redemande Michaud, durement, en exhibant sa carte. « Tout le monde le connaît ici. Moi, je lui avais prêté ma bagnole à ce con, juste pour aller à Arles et revenir, soi-disant. « Tu parles ?» fait-il en s'adressant Pépé. « Il me l'a rendu une semaine après, avec 600 bornes de plus au compteur. C'est loin, Arles, hein ?»« C'est quoi, votre voiture ?»« Une Panhard. » »« Ce ne serait pas plutôt une PL17 ?»« Bah oui, c'est ça, une PL17. »« Bon, pourquoi vous me demandez ça ? Vous avez fini ?» Michaud se lève en faisant signe et demain qu'il n'a plus rien à demander. Il retourne près de la porte et me fait. « Vous avez entendu ou il faut que je traduise ?»« Non, ça va, j'ai tout capté, c'est bon. » lui dis-je en regardant passer les voitures, nonchalamment. « Bon, Michaud, on va se barrer parce que je crois qu'on n'apprendra plus rien ici. » Je me dirige vers le comptoir. En me voyant venir, la patronne se fait plus arrogante et plus attirante que jamais. Inutile de se demander pourquoi certains sectaires voient dans la femme l'incarnation du diable. Madame Gilda, nous allons prendre congé, fais-je avec mon plus beau sourire. Si toutefois vous appreniez quelque chose, vous seriez gentil de nous prévenir. Ah non, je veux bien faire la conversation, mais je ne suis pas une donneuse. Désolé. Je me doutais bien que tu étais une teigneuse, je pense. Je jette un dernier coup d'œil aux deux hommes qui se préparent à jouer aux cartes. En montant dans la voiture, j'ai soudain le flash. « Nom de Dieu, ça y est, je sais pourquoi. »« Qu'est-ce qui vous arrive, patron ?»« Rien, roule, roule, je t'expliquerai. »